Section 66 de l'histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Charlotte. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095 jusqu'à 1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rombaud. Chapitre 13, deuxième partie. Le temps des Vikings, par Émile Aumont. Ses traits généraux. L'isolement des pays scandinaves alla s'accentuant jusqu'au VIe siècle. Le déplacement des peuples germaniques vers le sud ou l'ouest, la marche en avant des Slaves jusqu'à l'Elbe, coupèrent le monde scandinave du reste du monde germanique. Le contact ne fut repris que lorsque les peuples du Nord commencèrent à se déplacer eux-mêmes vers l'Ouest, au VIe siècle. Leurs incursions prolongèrent de 4 siècles la période des grandes invasions. Il importe pourtant de noter, entre elles et les invasions germaniques, des différences capitales. Les Normands n'ont jamais émigré en masse compacte, par peuple entier. Les bandes de chaque chef se recrutaient dans tous les pays du Nord. On y trouvait côte à côte des Suédois, des Danois et des Norvégiens. On serait tenté de croire que les Vikings se sont spécialisés, en quelque sorte, suivant les indications de la géographie. Que les Norvégiens ont peuplé les îles de l'océan septentrional, attaquaient l'Écosse et l'Irlande, tandis que les Danois se portaient sur la Bretagne ou la France. Et que les Suédois, de leur côté, prenaient le chemin de l'Est, Osterweg, qui les conduisait, à travers les solitudes de la Slavie, jusqu'à l'Empire byzantin. Il n'en est pas tout à fait ainsi. Parmi les Varègues ou Normands de l'Est, il y a eu de bonne heure des Danois. Parmi les Normands de l'Ouest, il y avait des Suédois. Il y en avait parmi les premiers colons norvégiens de l'Islande. Il y en avait beaucoup parmi les Danois qui attaquaient la Bretagne. On ne peut distinguer les éléments qui formaient leur bande. Le nom géographique de Normand, homme du Nord, est le seul qui leur convienne. Quant aux causes qui ont déterminé leurs invasions, elles sont complexes. Le fanatisme païen a pu y jouer un certain rôle, quoique, à vrai dire, les plus fanatiques de tous les Normands paraissent toujours avoir été les renégats chrétiens si nombreux dans leur bande. L'accroissement normal de la population du Nord a eu son influence. La production du sol ne croissait pas aussi vite, probablement, que la population. D'autre part, les luttes des tribus, qui ont commencé à pirater les unes sur les autres de fort bonne heure, Tacite nous dit déjà que les Suyones ont de nombreux vaisseaux, faisaient des vaincus, qui étaient forcés de s'expatrier. Enfin, la cause principale a été l'amour de l'or et l'influence de l'exemple. Les Angles ont fait, au VIe siècle, ce que venaient de faire les Saxons. Les Jutes, les Danes, les Goths, les Suédois, les Norvégiens et, les derniers de tous, les Vendes de la Baltique, ont suivi un exemple qui s'accordait avec leur amour des aventures et leur pauvreté. On les a vus à la fois, en Irlande, en Angleterre, dans toutes les parties de l'Empire d'Occident, en Islande, au Groenland, en Amérique, sur les rivages de l'océan glacial, où ils ont découvert, près de la mer Blanche, la lointaine Biarni. Parmi les populations slaves de l'Europe orientale, à Byzance et jusque dans les États musulmans voisins de la Caspienne. Nous n'avons à nous occuper ici que de leur expédition océanienne, depuis l'Irlande jusqu'à l'Amérique, en passant par l'Islande et le Groenland. Les Normands en Irlande. À en croire des textes un peu suspects, il y aurait paru dès 747. En tout cas, ce n'est qu'au siècle suivant qu'ils ont tenté de passer du rôle d'écumeurs des côtes à celui des conquérants. Leurs principaux efforts ont porté sur la côte occidentale de l'île, autour de Dublin, qui, de bonne heure, a été le centre de leurs établissements, puis le long des côtes du sud. Dans la seconde moitié du siècle, nous trouvons des royaumes norvégiens, norrois, à Waterford et à Limerick. L'existence de ces royaumes a toujours été précaire, bien qu'à plusieurs reprises, les chroniques irlandaises nous montrent des chefs celtes combattant dans les rangs des Normands. La population des îles, déjà toute chrétienne, était plus unie, en raison de sa religion, que ne l'étaient les envahisseurs. Les Normands d'Irlande étaient pris à revers, au nord, par les Pictes d'Écosse qui, à plusieurs reprises, leur ont infligé de grandes défaites, à l'ouest par les Danois d'Angleterre ou les Anglo-Saxons, contre lesquels ils guerroyaient, aidés des populations celtiques de la côte occidentale d'Angleterre. Suivre les péripéties de ces luttes est impossible. En 50 ans, on voit Dublin et Waterford pris et repris une vingtaine de fois. En général, les envahisseurs avaient le dessus quand, les incursions cessant momentanément en Angleterre ou en France, les Normands inoccupés venaient continuer en Irlande la vie d'aventure interrompue ailleurs. On retrouve dans les chroniques irlandaises, à quelques années de distance, tel chef normand mentionné précédemment dans les chroniques anglo-saxonnes ou franques. Peu à peu, cependant, les Normands d'Angleterre et de France se fixèrent et cessèrent de fournir des recrues aux Normands d'Irlande. D'autre part, la découverte de l'Islande tourna à un autre côté les émigrants norvégiens. Les royaumes norrois d'Irlande languirent. Leur population commença à se celtiser. Les chroniques nous montrent leurs chefs baptisés par des moines irlandais et mariés à des filles de chefs de clan. Peu à peu, il ne resta qu'une mince pellicule scandinave, tout le long des côtes orientales, jusqu'au temps où les Anglo-Normands des Plantagenêts apparurent à leur tour dans l'île. La colonisation des Féroé, des Shetland et de l'Islande. Les groupes d'îles placés au nord de la Grande-Bretagne ont été connus, de bonne heure, par les Celtes d'Écosse et d'Irlande. Mais ils ne semblent pas avoir été sérieusement colonisés. Quand les Normands les atteignirent, au 8e siècle, ils n'y trouvèrent, en fait d'habitants, que des moines, papars, irlandais. Il y en avait aussi en Islande. L'ouvrage de l'Irlandais Dicuius raconte comment les moines étaient passés dans ces îles peu avant l'invasion scandinave, et comment ils en revinrent aussitôt qu'elle commença. Le peuplement de ces archipels et de l'Islande par les nouveaux venus s'opéra donc sans obstacle. En 861, l'Islande fut découverte par le Norvégien Nadod. En 878, la colonisation commença et dura une cinquantaine d'années. La plupart des émigrants étaient des Norvégiens qui s'expatriaient pour ne pas se soumettre à la domination des chefs puissants qui allaient fonder le royaume de Norvège. L'Islande devint donc une nouvelle Norvège. Elle fut, sur le modèle de la Norvège primitive, une fédération de villages isolés, cachés au fond des fjords et de longues vallées de l'île. Les vieilles mœurs, les traditions, les sagas, s'y conservèrent plus longtemps que sur le continent, et c'est par l'Islande surtout que nous pouvons imaginer l'état de la Scandinavie avant le christianisme. Les Normands en Groenland et en Amérique. La pointe nord-ouest de l'Islande et la côte orientale du Groenland ne sont pas éloignées l'une de l'autre de plus de 30 000 Suédois. Il suffisait qu'une barque norvégienne en route pour l'Islande fût quelque peu détournée de sa route par les courants ou la tempête, pour que son équipage pût apercevoir, au-dessus de l'horizon, les cimes neigeuses du Groenland. Déjà, vers 870, un certain Gunnbjorn aurait vu les îles de la côte groenlandaise. Un siècle plus tard, en 980, Ar Marson aurait été poussé par une tempête vers un pays qu'il appela la Grande Irlande, ou Hvítramannaland, pays des hommes blancs. Ces hommes blancs parlaient celte. Il est difficile de démêler la légende ou la confusion de noms qui se cache sous ces renseignements singuliers. Enfin, l'Islandais Erik le Rouge atteignit par sa côte occidentale une terre nouvelle, habitée par des nains, les Skrallingar, probablement des Esquimaux. À cette terre nouvelle, il donna le nom de Groenland, la terre verte, qui s'accorde peu avec son aspect habituel. On a supposé qu'Erik l'avait imaginé pour attirer de nouveaux colons. Quoi qu'il en fût, la côte ouest du Groenland devint une colonie islandaise et resta en rapport suivi avec l'Europe jusqu'au XIVe siècle. À cette époque, elle fut oubliée, à tel point que, sans les vestiges de constructions normandes épars sur plusieurs points de la côte, et sans les nombreuses mentions du Groenland qu'on retrouve dans les documents ecclésiastiques, nous pourrions croire que les voyages d'Éric le Rouge et la colonisation du Groenland n'ont jamais eu lieu. On a supposé, sans preuve certaine, que la colonie avait été dépeuplée par la peste noire du XIVe siècle. Plus mystérieusement encore que l'histoire des colonies groenlandaises est celle des colonies en Amérique. Un certain Islandais, Bjorn Herjulfsson, allant d'Islande au Groenland et détourné de sa route par le vent du nord, aperçut à sa gauche des côtes inconnues. Sa découverte émut fort Groenlandais et Islandais, et un fils d'Éric le Rouge, Leif, résolut d'aller visiter ces côtes. Parti du Groenland et cinglant vers le sud-est, il ne tarda pas à les retrouver. Elles étaient nues, rocheuses. Les explorateurs appelèrent donc ce pays, qui était probablement le Labrador, pays des rocs, Hetland. Plus au sud, ils virent un autre pays, plat et boisé, qui fut appelé Markland, pays des forêts. Puis, encore plus au sud, une région où ils se décidèrent à hiverner. Ils s'y bâtirent donc une forte maison, mais l'hiver se trouva moins rude qu'ils ne l'avaient supposé. Le climat était si doux que la vigne poussait librement, ce qui valut au pays le nom de Vinland. On a cru longtemps que ce Vinland correspondait à la côte des Massachusetts, où certaines ruines paraissaient avoir une origine nordique. Il semble établi aujourd'hui qu'il n'était pas au sud de la Nouvelle-Écosse. Vers 1002, un Groenlandais, Thorfinn Skarlsefn, résolut d'aller fonder une colonie au Vinland. Il partit avec 60 hommes, quelques femmes, retrouva la côte découverte par Leif et y rencontra bientôt d'autres Skrallingar semblables à ceux du Groenland. On vécut quelque temps en bonne intelligence, puis la guerre éclata, et les Groenlandais, après avoir passé à peu près 2 années au Vinland, furent obligés de l'abandonner. Cette tentative malheureuse ne fut pas la dernière. Il y eut encore, jusqu'en l'année 1347, de nombreuses expéditions au Vinland. Certainement, le souvenir n'en était pas atteint au temps de Christophe Colomb, et les récits des matelots norvégiens et l'Islandais eurent leur influence sur son entreprise. C'est en cela seulement que la découverte de l'Amérique du Nord par les Normands a eu des conséquences, puisque, Groenlandais ou Islandais, ils se sont trouvés trop faibles pour disputer le pays aux indigènes, ou n'ont pas su comprendre la valeur de leur découverte. Il en eût été autrement si le pays de la vigne avait été, comme les terres trouvées par Christophe Colomb, le pays de l'or. La civilisation des pays scandinaves au temps des Vikings. Au 5e et 6e siècle de l'ère chrétienne, la civilisation des Scandinaves était la même que celle des Germains restés en arrière de la grande invasion. Procope nous montre les Hérules, chassés de leur pays par les Lombards, se réfugier chez les Tulites, c'est-à-dire dans la péninsule scandinave. Ces Tulites vivent, dit-il, partagés en 13 peuples, ayant chacun son roi. Comme les autres Germains, ils adorent beaucoup de dieux et d'esprits du ciel, de l'air, de la terre, des mers, des sources. À ces dieux, ils offrent les premiers prisonniers de guerre, etc. Cette civilisation primitive se modifia beaucoup du 5e au 10e siècle. En effet, d'une part, à la suite de la pointe des Vendes vers l'ouest, l'influence de la Germanie sur la Scandinavie cessa. De l'autre, les Scandinaves subirent l'influence des Scythifini, qui, d'après Procope, vivaient à côté d'eux dans la péninsule. La religion de ces Finnois, sorte de chamanisme analogue à celui des tribus finno-lapones d'aujourd'hui, a contribué à altérer et à compliquer la religion première des Scandinaves. Les Edda le reconnaissent quand elles disent qu'Odin avait trouvé, dans les pays scandinaves, la magie exercée par les Finnois et les Lapons, et qu'il l'avait perfectionnée. Puis, les expéditions des Vikings elles-mêmes ont été une cause de transformation. Elles ont mis la Scandinavie en rapport avec les pays civilisés du sud et de l'ouest, et ont eu pour conséquence l'introduction dans le nord, non seulement de nouvelles richesses, mais encore de nouvelles industries, des échanges pacifiques et enfin du christianisme. De bonne heure, en effet, de nombreux captifs chrétiens furent amenés dans le pays. De nombreux Vikings y revinrent eux-mêmes chrétiens. D'autre part, en faisant connaître aux Normands de grands états monarchiques, en débarrassant les pays des éléments trop turbulents, les expéditions des Vikings ont préparé la formation des royaumes du Nord. Ces siècles de piraterie ont donc été, en réalité, un temps de progrès et d'éveil à la civilisation. À en croire les chroniqueurs occidentaux, le Nord n'aurait connu d'autres richesses, au temps des expéditions normandes, que celles qu'énumère Alfred le Grand à propos d'un certain Othaire qui a vécu au IVe siècle, à l'extrémité nord de la Norvège. Othaire était pour son pays un homme riche, dit Alfred le Grand. Il possédait des daims, des rennes, des bœufs, des moutons, des porcs. Des Finnois lui payaient un tribut en peau de mouton ou de loutre, d'ours, de renne, de plumes d'oiseaux, de câbles, de cuir, de baleines, etc. En réalité, cet homme si riche n'aurait pas excité l'envie de ses voisins du sud. La Norvège méridionale, le Danemark et la Suède connaissaient déjà bien d'autres richesses. Adam de Brême racontera, au XIe siècle, que la Suède regorge de blé, de miel, de bétail, de fourrures précieuses, et même d'or et d'argent. Ce dernier détail a été confirmé par les trouvailles des archéologues. Depuis 20 ans, on a trouvé dans tous les pays du Nord, et particulièrement en Suède, une quantité extraordinaire de monnaies d'argent frappées entre le 5e et le 10e siècle. Il y a eu, en effet, parallèlement aux expéditions de pillage et souvent par les mêmes routes, un mouvement commercial actif qui, partant des pays scandinaves, atteignit d'une part les îles britanniques et la Méditerranée, de l'autre l'Empire byzantin et les États musulmans de l'Asie antérieure. Les Scandinaves vendaient dans l'Europe occidentale des fourrures, dans l'Europe orientale des armes, mais partout ils étaient eux-mêmes leur principal article d'exportation. De même qu'en Angleterre, ils s'engageaient au service d'Ethelred ou de Canute, en Orient, dans les principautés slaves, à Byzance, ils formaient la garde des princes. Ils étaient les Suisses de l'époque. Avec leur salaire, ils achetaient les tissus, les parures de l'Europe méditerranéenne. Dans les tombes du 9e, du 10e siècle, on a retrouvé quantité de statuettes et de bijoux en métal précieux. Beaucoup de ces bijoux sont du plus pur style oriental. Dans les sagas, il est souvent question des étoffes précieuses du Midi. De bonne heure, les chefs scandinaves ont été vêtus et parés avec un faste peu conforme à l'idée que se faisaient les chroniqueurs occidentaux de la rusticité des hommes du Nord. Beaucoup de Scandinaves rapportaient dans leur pays l'argent gagné au dehors. On a retrouvé, dans le sol de la Suède, des quantités énormes de monnaies anglo-saxonnes ou byzantines. À côté de ces monnaies, Il n'y en a d'autres qui n'ont pu venir dans le Nord que par des échanges pacifiques. Telles sont les monnaies hongroises, bohèmes, italiennes. Telles aussi les monnaies du Khorassan, des Abbassides de Bagdad. Pour la plupart, elles sont arrivées par l'intermédiaire du royaume riche et commerçant des Bulgares de la Volga. Tous ces amas de monnaies étrangères remontent à deux époques différentes. Les uns, les moins nombreux, sont antérieurs au VIe siècle. Les autres sont des IXe et Xe siècles. Les monnaies frappées dans l'intervalle ne se trouvent qu'à des rares exceptions. Il faut en conclure que les routes du Midi, fermées aux Scandinaves, après le VIe siècle, par les invasions huniques ou avariques, leur ont été rouvertes au IXe siècle. Nous connaissons l'événement qui les a rouvertes. La fondation de l'empire Vareg de Rurik ne pouvait manquer d'avoir son contre-coup sur le développement de la civilisation et de la richesse du Nord. L'écriture du Nord, les runes. À l'époque des Vikings, le Nord possédait depuis longtemps son écriture, les runes, d'une racine scandinave qui veut dire creuser, inciser. Leur origine est restée longtemps mystérieuse. Aujourd'hui, il paraît établi qu'ils dérivent d'un vieil alphabet latin et qu'ils ont été introduits dans le Nord par les Germains, qui les avaient eux-mêmes reçus des peuples celtiques des Alpes. Les principales différences entre lettres latines et runiques paraissent provenir de l'habitude qu'on avait primitivement de tracer celles-ci sur bois. D'autre part, comme dans certaines inscriptions étrusques et italiotes, les inscriptions runiques vont parfois de droite à gauche. Il y en a même où l'on retrouve alternativement des lignes écrites de gauche à droite et de droite à gauche. Au surplus, l'écriture runique n'est pas toujours restée identique à elle-même. Il y a une grande différence entre les premières inscriptions du IVe siècle et celles des siècles postérieurs. Au VIIIe siècle, surtout, l'écriture s'est modifiée. Elle n'a, du reste, pas disparu d'un coup devant l'alphabet latin. Au XIIIe siècle, on écrivait encore les lois de Scanie en runes. Au XVIe siècle, elles étaient encore usitées dans l'île de Gotland. Les inscriptions runiques nous donnent d'utiles renseignements sur la langue, la civilisation, les mœurs de l'époque préhistorique des pays scandinaves. Nous savons, par elle, que pendant longtemps il n'y a pas eu de différence notable entre la langue du Nord et celle de l'évangile gothique d'Ulfilas. Elles nous instruisent des actes de plusieurs rois et, ce qui est plus intéressant, des aventures de beaucoup de Scandinaves de la classe commune, et enfin des premières infiltrations du christianisme dans le Nord. La religion odinique et les commencements du christianisme dans les pays scandinaves. La mythologie scandinave est la plus compliquée des mythologies germaniques. Les géants, les nains, les serpents divins, les magiciens, les dieux s'y rencontrent et s'y détruisent dans des luttes sans fin jusqu'au moment où Odin, fils de Bor, commence à régner dans le Valhalla avec sa femme Frigga et son fils Thor. Au-dessous de ces trois grands dieux, une infinité de divinités secondaires personnifient les forces utiles ou malfaisantes dans la nature. À en croire les chroniqueurs occidentaux, qui les voyaient toujours s'attaquer de préférence aux églises et aux monastères, les Scandinaves auraient été des serviteurs fanatiques d'Odin. Il semble, au contraire, d'après l'histoire de leur conversion, que l'odinisme n'ait pas été profondément enraciné dans le Nord. Sa résistance a été beaucoup moins longue et moins sanglante que celle du paganisme des Vandes de la Baltique. À certains égards, du reste, l'odinisme se prêtait à une transformation. Les bons génies, les elfes, pouvaient devenir des anges. Le mauvais esprit, Loki, pouvait devenir Satan. De bonne heure, le marteau de Thor, le dieu du tonnerre et de la guerre, a été identifié avec la croix du Christ, tandis que le Christ lui-même prenait la place de dieu traîtreusement tué par Loki, Balder. Dès le VIe siècle, on trouve dans le nord, à côté de monnaies byzantines portant l'effigie du Christ, de saints, d'évêques, des bijoux et des ornements chrétiens. Sans doute, à ce moment, il y avait déjà des chrétiens dans le nord, captifs ou scandinaves baptisés. L'évangélisation proprement dite a commencé tard. Une première mission en Jutland, vers 700, du moine anglo-saxon Willibrod ne paraît pas avoir eu de résultat. Ce n'est qu'après la fondation de l'empire carolingien qu'il y eut dans le nord des missions suivies et méthodiques. Les Francs avaient, en effet, grand intérêt à la conversion de leurs belliqueux voisins. Vers 820, l'archevêque Ebon de Reims et l'évêque Alidgar de Combray furent envoyés par Louis le Pieux à un roi de Jutland nommé Harald. Bien reçus, ils groupèrent autour d'eux un certain nombre de chrétiens. Quelques années plus tard, Harald, chassé par ses sujets, vint implorer le secours de l'empereur. Ce secours fut accordé, mais préalablement on baptisa Harald, ainsi que ses compagnons, et on ne les renvoya dans le nord qu'accompagnés de deux moines de corvée, Anskar et Aubert. Harald, rentré dans son royaume, en fut rechassé l'année d'après, mais les vainqueurs gardèrent Anskar et Aubert, qui avaient déjà fait de nombreux prosélytes. Encouragé par ses succès, Anskar passa bientôt en Suède. Bien accueilli par le roi Bjorn, il consola les captifs chrétiens qui se trouvaient dans le pays et convertit nombre de Suédois, même des nobles. Revenu dans l'Empire d'Occident, vers 831, il reçut de l'empereur l'archevêché nouveau de Hambourg. Créé spécialement pour lui, est destiné à jouer dans la conversion du Nord le même rôle que Mayence dans la conversion de la Germanie. Mais, en 840, une bande de Vikings pilla et brûla Hambourg. En même temps, des troubles éclatèrent en Suède et les missionnaires qui y avaient remplacé Anskar furent expulsés ou tués. Anskar ne perdit pas courage. En 848, nous le voyons ériger une église dans la ville commerçante de Schleswig, et en 854, visiter de nouveau la Suède. Un nouveau roi, Olof, après avoir pris l'avis de ses sujets dans une grande assemblée populaire, autorisa la prédication du nouveau culte et accorda même un terrain pour y bâtir une chapelle. À plusieurs reprises, ses succès furent suivis de réactions. Il y eut des églises brûlées, des missionnaires tués. Faut-il voir, dans ces réactions, des retours de fanatisme odinique? Il est plus probable qu'elles ont été provoquées par les contraintes nouvelles que le christianisme apportait avec lui. Un chrétien ne pouvait être viking. Il devait renoncer aux vengeances personnelles, à la polygamie, à l'exposition des nouveau-nés, etc. L'observance des jeûnes et des jours de fête était rigoureusement prescrite. Enfin, les prêtres exigeaient le paiement strict de la dîme. Tout cela explique les résistances que rencontrait le christianisme encore au temps d'Adam de Brême. Une conversion complète ne pouvait se faire que par la force. Elle a été l'œuvre des souverains qui, dans la période suivante, ont fondé les royaumes de Suède, de Norvège et de Danemark. Fin de la section 66.